lâche les gens. Font les salopes, la la la. Ah, c'est des gagnants. Ah, c'est plus les mêmes. Moi, j'rigole. Et ils font tout le temps les mecs, tu as Notre-Dame. J'm'en fais un petit devant la vue. Moi, j'rigole. Et ils font tout le temps les mecs, tu as Notre-Dame. J'm'en fais un petit devant la vue. Ça s'arrose, sur pépé c'est pas rose. J'suis un homme, j't'aime mes paroles et j'respecte mes parents. Satan taille, si tu rebelles, pour R ça sort le slas. Si tu veux me chercher, viens j't'accueille au fusil de chasse. Et des fois j'ai douté, c'était pas pour rien. T'as pas voulu m'écouter, dès maintenant. Parano normal, t'as vu la vie qu'on a. J'crois que j'serai comme ça moi toute ma vie. T'es tout donné, pourquoi tu fais comme ça? Seul fautif et tu veux mettre à dos toute la vie. Que ils changent les gens, font les salopes, la la la. Ah, c'est des gagnants, ah, c'est plus les mêmes. Moi je rigole, et ils font tout le temps les mecs, tu as Notre-Dame. J'm'en fais un petit devant la vue. Moi je rigole, et ils font tout le temps les mecs, tu as Notre-Dame. J'm'en fais un petit devant la vue. Je rigole, et ils font tout le temps les mecs, tu as Notre-Dame. J'm'en fais un petit.